Le 22 courant, la ville de Chongjin de la province du Hamgyong du Nord a abrité un séminaire consacré à la journée mondiale de l'eau en présence des officiels des unités d'activité intéressées comme le ministère de l'administration urbaine et le palais des études du peuple, des citadins de la ville, du chargé par intérim de l'UNICEF en Corée et d'autres diplomates de divers pays en Corée. On y a prononcé des allocutions suivies des interventions. Y a été projeté le documentaire scientifique coréen « Le service des eaux au courant naturel ». D'autre part, le même jour, dans la ville de Faeryong de la même province, a eu lieu la cérémonie du commencement de la construction du service des eaux au courant naturel en cours par la coopération de l'UNICEF.